Ah, dit Crevel, que ne ferais-je pas pour l'empêcher de pouvoir mettre son chapeau? Il m'était impossible de lui prendre Josepha. Les femmes de cette espèce ne reviennent jamais à leur premier amour. D'ailleurs, comme on dit, un retour n'est jamais de l'amour. Mais, cousine bête, je donnerais bien, c'est-à-dire, je dépenserais bien 50 000 francs pour enlever à ce bel homme sa maîtresse et lui prouver qu'un gros père, à ventre de chef de bataillon et à crâne de future maire de Paris, ne se laisse pas souffler sa dame sans damer le pion. Ma situation, répondit Bette, m'oblige à tout entendre et à ne rien savoir. Vous pouvez causer avec moi sans crainte. Je ne répète jamais un mot de ce qu'on veut bien me confier. Pourquoi voulez-vous que je manque à cette fois de ma conduite? Personne n'aurait plus confiance en moi. Je le sais, répliqua Crevel. Vous êtes la perle des vieilles filles. Voyons, sacristie, il y a des exceptions. Tenez, ils ne vous ont jamais fait de rente dans la famille. Mais j'ai ma fierté, je ne veux rien coûter à personne, dit Bette. Ah, si vous vouliez m'aider à me venger, reprit l'ancien négociant, je placerai 10 000 francs en viager sur votre tête. Dites-moi, belle cousine, dites-moi quelle est la remplaçante de Josepha, et vous aurez de quoi payer votre loyer, votre petit déjeuner le matin, ce bon café que vous aimez tant. Vous pourrez vous donner du moka pur, hein? Comme c'est bon du moka pur.